Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Merci de persévérer dans la méditation des Saintes Écritures. Chaque matin, nous vous proposons un texte commenté par nos soins. Le lecteur de la Bible 2020 nous propose la lecture de Jérémie chapitre 31, les versets 1 à 22. La Seconde Guerre mondiale fut suivie de celle de Corée, d'Algérie, d'Indochine, du Vietnam et j'en passe. Ces conflits laissent des traces dans les mémoires et dans les alliances géopolitiques. Israël a connu des guerres fratricides et sous le roi Roboam, fils de Salomon, les dix tribus du Nord créent leur propre État et il n'y a jamais eu de réconciliation. Mais le prophète Jérémie annonce qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu sera entièrement restauré. Il décrit tout d'abord la réunification des deux fractions d'Israël dans une terre promise renouvelée. Puis, cette première et brillante perspective ouvre au regard du prophète de nouveaux horizons bien plus glorieux. En effet, il annonce une guérison spirituelle, la régénération des cœurs grâce à une nouvelle alliance. De toutes les religions du monde, celle de l'Ancien Testament est la seule qui, tout en s'affirmant comme la révélation divine, prédit sa propre transformation en une religion nouvelle et supérieure à elle-même. Jérémie contemple le retour futur des exilés israélites dans leur pays, d'abord ceux qui rentrent de la captivité babylonienne, mais aussi et surtout ceux qui, à la fin des temps, reviendront de la diaspora. Tout suit les prophéties de Jérémie avec l'évangéliste Macagnero, président de GST, Génération sans divorce. Bonjour, évangéliste. Bonjour, mon bien-aimé Adombi. Merci de nous présenter brièvement GST. Génération sans divorce est une structure qui travaille à redorer le blason du mariage au niveau de l'Église, parce que nous croyons qu'une Église forte, c'est aussi des couples heureux, mais aussi des célibataires qui savent se marier. Et donc ce ministère-là accompagne les célibataires dans leur choix, aide les fiancés à marcher dans le protocole divin du mariage et soutient aussi les couples déjà constitués à raviver leur bonheur, leur amour. D'accord. L'équipe de Méditons Ensemble est composée d'Emmanuel Yahou à la mise en onde, à la présentation, votre serviteur Adombi Alex Pacoum. Merci de prier un moment avec l'évangéliste Jean-Macagnero. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que celui d'être ensemble. Ce matin, nous sommes ensemble, des milliers de personnes réunies autour de ta parole. Seigneur, tu as fait une promesse et tu as dit que c'est dans cet accord, dans le fait d'être ensemble, que tu accordes ta bénédiction et ta vie. Alors ce matin, nous croyons qu'au travers de ta parole, ta vie et ta bénédiction se déploient sur tous nos auditeurs et sur toutes nos auditrices. Que la gloire te revienne au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rejoignez chaque matin l'équipe de Méditons Ensemble pour la découverte, l'exploration d'un texte biblique. Pour ce matin, nous vous proposons Jérémie chapitre 31, les versets 1 à 22, proposition du lecteur de la Bible. Nous allons faire la lecture dans la Bible Semeur et c'est l'évangéliste Jean-Macagnero qui nous fait la lecture. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel, verset 2. « Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. » Verset 3. « Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Je te rebâtirai, verset 4, alors tu seras rebâti. Ô communauté d'Israël, tu porteras encore des tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Verset 5, oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits, car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, allons et montons à Sion, vers l'Éternel, lui notre Dieu. Verset 7, car Voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob. Éclatez d'allégresse pour la première des nations. Clamez fort vos louanges en disant, l'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la terre du nord. Verset 8, je les rassemblerai des confins de la terre et il y aura parmi eux l'aveugle, le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Verset 9, ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai et je les conduirai vers les cours d'eau, par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël et Éphraïm sera mon premier-né. Verset 10. Ô nation, écoutez ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui disperse Israël viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau parce que l'Éternel délivre Jacob, il le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Verset 12. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau, l'huile, les moutons, les bœufs, et leur vie sera comme un jardin bien arrosé et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. Verset 14. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai. L'Éternel le déclare. Verset 15. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Verset 16. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer. Ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare. Et tes fils reviendront du pays ennemi. Verset 17. Il y a pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. Verset 18. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié ». Et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent, je regrette. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même. Je suis confus et j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui n'était guère honorable. Verset 20. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est en émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Verset 21. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention au chemin que tu empruntes. Reviens, ô communauté d'Israël, oui, reviens dans tes villes. Jusqu'à quand tourneras-tu dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera le héros. Amen. Amen. Merci de suivre Méditons ensemble, chers amis auditeurs. Nous vous proposons pour ce mercredi 4 mars 2020 le texte de Jérémie chapitre 31, les versets 1 à 22. Nous allons passer à la première étape, l'observation. Évangéliste Agnero, bonjour. Oui, bonjour mon bien-aimé. Alors, de quoi nous parlent les versets? Ce chapitre 31 est dans son entièreté dédié à la restauration d'Israël, à sa prospérité, à sa paix, par l'entremise d'une alliance nouvelle que Dieu va tisser avec elle. Cependant, la portion qui est soumise à notre méditation ce matin-là concerne spécifiquement la restauration du royaume du Nord, qui est symbolisée par le nom Éphraïm, la tribu Éphraïm. D'accord. Alors, on va spécifier avant d'aller loin que Israël s'est divisé en deux. Oui. Après Salomon. Oui. Le chiisme, où il y a eu 10 tribus qui constituaient le royaume du Nord, et puis les deux autres tribus, voilà, Juda et une autre tribu encore, qui constituait le royaume de Juda. D'accord. Nous allons observer ce texte de plus près, chers amis auditeurs. Ensuite, nous allons passer à l'étape 2, que nous appelons l'interprétation. À l'étape 3, ce sera l'application, et nous allons conclure sur cette étape. Enfonçons le clou avec l'étape 1, l'observation. Nous allons proposer des mouvements à ce texte. Oui, 3 mouvements pour une meilleure compréhension. Nous pouvons, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, où nous voyons la déclaration de l'amour éternel de Dieu au royaume du Nord. Et puis, le verset 7 jusqu'au verset 17, nous voyons le bonheur qui est retrouvé. Le verset 18 jusqu'au verset 22, la prise de conscience de la prière d'Éphraïm. D'accord, commençons par le premier mouvement, les 6 premiers versets, amour éternel en faveur du royaume du Nord. Déjà, dès le verset 1, Dieu se révèle. Il déclare ce qu'il sera et ce qu'il a toujours voulu être pour Israël dans son ensemble, c'est-à-dire leur Dieu. Et donc, il annonce leur retour au verset 2, mais cette déclaration-là se trouve confrontée à un mécontentement d'Israël au verset 3, qui se plaint que les preuves d'amour de Dieu se limitent à un passé lointain. Il dit, dès les temps reculés, l'Éternel est apparu. Donc, tout ce que Dieu a fait, c'est un peu comme de l'ordre du passé. C'est loin d'eux. Voilà. Et donc, cela va amener Dieu à faire comprendre son caractère éternel, l'amour éternel qu'il porte à Israël. Et donc, il va annoncer, dès le verset 4, la reconstruction politique d'Israël en tant que nation. Au verset 5, il va annoncer la reconstruction économique. Il va dire, oui, de nouveau, tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie, qui était un territoire qui était occupé, qui était pris, qui a été conquise par la Syrie. Mais il va annoncer que ce territoire-là, désormais, va participer à l'essor économique d'Israël. Et au verset 6, il parle de la restauration de l'adoration vraie, car Éphraïm va retourner encore au centre de l'adoration, au siège de l'adoration qui était en ce temps la Juda, voilà, dans la perspective divine. Donc Israël va retourner encore adorer le Seigneur selon le lieu où Dieu a choisi que l'adoration ait lieu. Donc une reconstitution totale pour marquer son amour, l'amour qu'il a pour Israël. D'accord. Deuxième mouvement, le verset 7 à 17, bonheur retrouvé. Oui, et ce bonheur-là va se composer de deux phases. La première, c'est-à-dire du verset 7 jusqu'au verset 9, c'est la phase du retour d'exil. Voilà, c'est une phase qui se fera dans la joie et dans l'allégresse. Il est dit, poussez des cris. On peut commencer déjà à célébrer Dieu parce qu'il va, au verset 8, ramener de la captivité tout Israël, tous ceux qui étaient partis. Il dit, il y aura des aveugles, il y aura des boiteux, il y aura des femmes enceintes, il y aura des enfants. Donc, il cite même quatre catégories de personnes qui, normalement, de par eux-mêmes, ne peuvent pas effectuer ce long voyage-là. Mais c'est une manière de dire que c'est l'Éternel même qui assurera la faisabilité de ce voyage-là. Il sera aux commandes, il va vraiment prendre le soin de non seulement délivrer le peuple de la captivité, mais le faire retourner. Et donc, ça, c'est la première partie d'expression de ce bonheur-là. Et la deuxième partie est celle de la joie qui sera retrouvée parce que, depuis le verset 10 jusqu'au verset 17, et il est en train de nous faire comprendre que des larmes seront essuyées. Rachel qui pleurait ne pleurera plus parce que tous ses labeurs seront récompensés. Voilà, le peuple n'aura plus faim, il y aura de la consolation, il y aura des réjouissances, le peuple de Dieu sera rassasié. En fait, ce sera littéralement le contraire de la souffrance qu'ils ont expérimentée depuis les temps de guerre jusqu'au temps de l'exil. Et ça, c'est vraiment l'expression d'un bonheur retrouvé par Israël. D'accord, le dernier mouvement s'articule autour de verset 18 jusqu'au verset 22, oui. Et vous l'avez intitulé « Prise de conscience et prière ». Oui, dès le verset 18, l'Éternel dit qu'il a bien entendu les gémissements, les paroles que Éphraïm était en train de pousser vers lui. Et ces paroles-là sont révélatrices de la reconnaissance des égarements, ainsi que de la justice de sa peine. Donc, Éphraïm venait de comprendre qu'en vérité, la faute n'incombait pas à Dieu. Bien au contraire, c'était eux qui étaient responsables de cette situation-là. Donc, ayant pris conscience, ils ont commencé à adresser à Dieu des prières. Ils ont demandé à Dieu de les faire revenir à lui, même pas de les faire revenir d'exil. La prière d'Éphraïm est tellement profonde, elle dit, on veut revenir à toi, fais-nous revenir à toi, afin que nous revenons. Donc, vraiment, parce que l'Éternel était leur Dieu. Donc, Éphraïm a compris, et cette compréhension l'a amené à entrer dans des supplications, dans des pleurs, dans une dimension de repentance. Et au verset 20, nous voyons comment cette dimension de repentance l'a touché le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu a commencé à vraiment se disposer pour Israël et ordonner que les choses changent pour Éphraïm. Vous suivez Méditons Ensemble, votre émission de dévotion matinale. Merci de nous rejoindre chaque matin pour la dévotion matinale. L'observation va faire place à l'interprétation. On va s'intéresser ici à la personne de Dieu. Dieu est omniprésent dans le texte. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Déjà, dans la première portion, en rapport avec notre découpage, nous découvrons que l'amour de Dieu est éternel. Chose que le royaume du Nord refusait de comprendre. Parce que pour eux, toutes les manifestations de Dieu sont très loin derrière eux. Et donc cet état des choses-là leur faisait croire que Dieu, dans son amour, était limité. Mais ce n'est pas le cas. Nous découvrons un Dieu qui n'est pas seulement de l'ordre du passé, mais qui est dans le présent et dans le futur de ceux qui lui appartiennent. Et dans la manifestation de son amour, le temps ne compte pas. compte pas. Dieu qui est capable de faire des choses hier est capable de le faire aujourd'hui encore et est toujours capable de le faire demain. Donc Dieu est éternel dans son amour et tout ce qu'il fait, il le fait sur la base de son amour. Ça, c'est extraordinaire. Cette dimension d'amour de Dieu qui est constamment ouverte et disposée à sauver, à bénir, à délivrer, à restaurer ceux qui lui appartiennent. D'accord. Nous allons avancer dans l'interprétation du texte en passant aux vérités. Oui. Et la première vérité que je vais souligner est en rapport même avec cette dimension de Dieu qu'est l'amour, parce que c'est l'amour qui est la racine, sinon la base, la source de tout ce que Dieu fait. Voilà. Et si nous voyons Dieu qui a décidé de restaurer Éphraïm, restaurer Israël, mais l'action de Dieu émane de sa dimension d'amour. Dieu est amour. Voilà. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Dieu ne fait pas les choses parce que nous avons fait ci ou nous avons fait cela, parce que nous sommes justes ou pas. Non. Ce que Dieu fait pour nous, il le fait par amour. Il est motivé par amour. Et il y a ce test connu de plusieurs. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Ce n'est pas la conséquence de nos prières, mais c'est l'expression de son amour pour nous qu'il active dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est important à comprendre. La deuxième vérité ici que je veux souligner est en rapport avec la repentance. Parce que pour moi et au travers de ce test-là, la repentance est le chemin qui ramène à la maison, qui ramène dans le programme de Dieu, qui ramène dans le projet de Dieu, qui ramène un individu, une nation, un peuple dans le dessein de Dieu. Ce n'est même pas les prophéties, c'est la repentance. C'est pourquoi il est dit au verset 9 qu'ils reviendront en pleurs. Et au verset 18, Dieu dit « J'ai entendu le cœur d'Éphraïm qui était un cœur repentant. » Donc ce n'est pas les prophéties. Les prophéties ont été données depuis longtemps, mais ce n'est pas prophétie qui ramène quelqu'un à la maison. Non, c'est l'attitude de cœur de cette personne, de cette nation, de cet individu-là, par rapport à sa réalité qui le ramène à la maison. Ça, c'est très, très important à comprendre. On peut prophétiser, mais la prophétie ne décante pas de facto la situation. Au contraire, il faut une très bonne lecture de la prophétie pour adopter l'attitude qu'il faut, pour disposer le cœur qu'il faut afin que cette prophétie-là devienne réalité. Et ici, nous voyons Éphraïm qui a compris véritablement la nature des prophéties sur le retour. Et ayant compris cette nature-là, Éphraïm est rentré en lui-même et a découvert qu'en vérité, cette situation dans laquelle il s'est retrouvé parce qu'il s'est éloigné de Dieu dans son attitude. Et donc cette repentance-là l'a fait revenir à la maison. C'est donc la repentance qui ramène dans le projet de Dieu, qui ramène la restauration dans une vie, qui ramène le rétablissement, qui ramène la guérison. Et ce n'est pas autre chose, ce n'est pas prophétie, ce n'est pas autre chose. La troisième dernière vérité que je vais souligner en rapport toujours avec ce test, c'est qu'il y a, de l'espérance pour ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà, il y a de l'espérance pour ceux qui appartiennent à Dieu. Dans la mesure où on peut vivre des situations compliquées, des situations difficiles, des situations vraiment insoutenables, douloureuses, on peut tout perdre, mais aussi longtemps qu'on appartient à Dieu, la main de Dieu, par son amour éternel, n'est pas éloignée de nous. Donc, il y a de l'espérance, et l'espérance en Dieu ne trompe pas. Vous savez, Dieu ne donne pas de l'espoir. Ce sont les médecins, ce sont les hommes qui donnent de l'espoir. Dieu lui donne de l'espérance et l'espérance ne trompe pas. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pourquoi quand votre cœur est rempli d'espérance, soyez-en sûr, un jour viendra, la lumière pointera et vous serez restauré complètement, comme Dieu a restauré Éphraïm. Après l'observation et l'interprétation, nous voilà arrivés au stade de l'application. C'est à ce stade que nous donnons des enseignements, des leçons. À retenir, le texte que nous lisons, c'est tout simplement Jérémie chapitre 31, les versets 1 à 22. Et notre invité est l'évangéliste Jean-Marc Agnero. Nous allons conclure donc cette partie, ce texte. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette prophétie de Jérémie? La première chose, c'est que Dieu vous aime. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez présentement, auditeur, Dieu vous aime. N'en doutez point. Même si la main de Dieu ne s'est pas rendue visible dans votre vie, dans votre foyer, dans votre ministère, dans votre réalité conjugale, dans votre travail, sachez une chose, l'amour de Dieu est pour vous. Dieu vous aime. Et à cause de cet amour-là, soyez-en sûr, il agira en votre faveur. Il vous entend. Il entend vos pleurs, il entend vos cris, mais bien plus encore, il est disposé à agir aussi longtemps que vous prenez conscience de vos erreurs, aussi longtemps que vous preniez conscience de vos fautes, aussi longtemps que vous prenez conscience de qui il est. L'amour de Dieu s'activera pour vous et une restauration, une délivrance, une guérison, une reconstruction de votre foyer, un rétablissement de votre santé, un rétablissement de votre patrimoine, de votre entreprise. Toutes ces choses-là sont possibles. Ne désespérez jamais parce que Dieu vous aime et la main de Dieu est étendue en votre faveur. Bientôt le bonheur, c'est le titre de la note explicative au texte de Jérémie chapitre 31, les versets 1 à 22 à lire à la page 33 dans le lecteur de la Bible. Nous avions été très heureux de présenter ce numéro de Méditons ensemble en votre compagnie. L'émission a été mise en onde par Emmanuel Yao. Je suis Adombi Alex Paco. Merci à l'évangéliste Jean-Marc Cagnero qui nous a tenu compagnie pour ce temps d'antenne. Nous nous retrouvons donc demain. Nous lirons la suite de Jérémie 31. Il s'agira des versets 23 à 40. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.